les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un dernier écrit publié en forme de reconnaissance. Le 25 mai 1983, Gilles Lapouge présentait Agora. Andrea Salomé, oui, c'est une femme fascinante. Elle a fasciné durant sa vie, elle a fasciné un homme comme Rilke, comme Nietzsche. Elle a travaillé longtemps avec Freud. Elle nous fascine encore, même si longtemps nous l'avons mal connue. Et depuis quelques années, on commence à la connaître mieux en France, grâce à des traductions qui sont surtout des traductions de ses livre de psychanalyse, mais peut-être d'autres, je ne suis pas assez au courant, nous allons le préciser tout à l'heure. Et aujourd'hui, voici un nouveau livre de Lou Andrea Salomé, un livre qui a d'ailleurs une histoire particulière. Ce livre, c'est une lettre ouverte à Freud, une longue lettre, que Lou a adressée à Freud pour le 75e anniversaire de Freud, je crois. Pour parler de ce livre, j'ai demandé à deux personnes de venir à Agora. D'une part, Jacques Nobécourt, qui en particulier va nous parler de la redécouverte, de la résurrection au fond de ce livre englouti. Et Marie Moscovici, qui a donné la préface à l'édition française de ce livre. Alors Jacques Nobécourt, vous d'abord peut-être, vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de ce livre, qui est une histoire en elle-même passionnante. Ce livre est le dernier écrit publié par Lou Andrea Salomé en 1931. Elle a voulu le publier elle-même ou bien c'est... Elle l'avait écrit pour le 75e anniversaire de Freud et le titre d'ailleurs, le titre original c'est « Mon remerciement à Freud », on pourrait dire « Reconnaissance à Freud ». Titre dont lui n'avait pas voulu, il lui avait répondu, appelait donc ça « Reconnaissance à la psychanalyse ». Et elle avait assimilé la psychanalyse à la personne même de Freud, à la pensée même de Freud, et avait maintenu son titre. Et c'est un ouvrage qui faisait suite, qui développait au fond les thèmes qu'elle avait abordés dans un article sur Freud 5 ans plus tôt, à l'occasion du 70e anniversaire de Freud. Il a été, comme tous les ouvrages de Lou Andrea Salomé, détruit par la Gestapo en 1934, et il en restait un exemplaire en Allemagne à la bibliothèque universitaire de Hambourg. Par quel miracle ? Par quel miracle a-t-il subsisté ? On ne sait pas. On ne sait pas, mais il est resté dans la bibliothèque allemande un certain nombre des livres détruits et brûlés. Oui. Ça a été son cas. Bon, ce livre était connu par la correspondance avec Freud, par les bibliographies de Lou Andrea Salomé. C'est l'Institut Goethe qui l'a fait venir à Paris, on l'a photocopié, ça a été assez facile. Et d'autre part, l'exécuteur testamentaire de Lou Andrea Salomé, Ernst Pfeiffer, qui est maintenant un très vieux monsieur, en a évidemment un exemplaire et a autorisé la publication en français. Mais le français est la première langue où ce texte important est traduit. C'est-à-dire qu'en Allemagne, mis à part l'exemplaire originel qui a été brûlé, on ne l'a pas republié depuis. Non, mais il va être republié assez prochainement. Donc c'est véritablement, c'est pratiquement un inédit. C'est pratiquement un inédit. Bien, effectivement, alors il est très très beau cet inédit, et maintenant que nous savons un petit peu les circonstances dans lesquelles il est republié, il est publié en France plutôt, il faut entrer dans ce livre. Alors je m'adresse maintenant à Marie Moscovici qui donne une préface, une assez longue et belle préface. Un petit peu au hasard, hein, il y a un moment où Lou Andrea Salomé dit « Je ne suis qu'une femme ». Oui. C'est assez étrange, non ? Ça m'amène à reprendre la question du titre de, oui. de ce livre. Effectivement, elle l'avait appelé « Mein Dank an Freud », donc comme a dit Nobécourt, « mon remerciement » ou « ma reconnaissance à Freud ». Et c'est en réponse à une lettre de Freud qu'elle dit « Je ne suis qu'une femme ». C'est-à-dire, Freud lui écrit donc « Ne l'appelez pas comme ça, appelez-le mon remerciement à la psychanalyse ». Et elle lui répond « Je ne peux pas, enfin je ne vous le cite pas textuellement, je ne le sais pas par cœur, mais en substance, elle lui répond « Je ne peux l'appeler que mon remerciement à Freud. Je ne sais pas ce que serait la psychanalyse sans ce nom ». Ce qu'aurait été la psychanalyse sans ce nom, et c'est là qu'elle ajoute « Je ne suis qu'une femme ». Donc le commentaire, là, cette petite phrase « Je ne suis qu'une femme » a trait au fait que pour elle, cette théorie, c'est ce nom. C'est cet homme. Et dans ce qu'elle en développe, ce qui se développe entre eux de la correspondance, ce qu'elle dit aussi dans ce « Duncan Freud », dans ce remerciement à Freud, c'est ce que j'essaie d'indiquer dans cette préface en quelques mots, que ce qui compte pour elle, c'est pas l'œuvre théorique coupée d'un auteur ou d'un homme, que pour elle, l'œuvre théorique est le trajet de cet homme. Oui, mais et alors que c'est alors le nom oui. de cet homme, pas parce qu'elle a, je crois, on pourrait l'accuser de culte du nom. Mmh. C'est devenu à la mode d'un côté d'avoir le culte des noms, de l'autre côté de critiquer le culte des noms. Mais elle s'en explique très très bien. Elle lui dit, la psychanalyse, c'est vous pour moi. C'est-à-dire, ce dont elle parle, c'est de la rencontre. Ce qui est étrange alors, c'est que d'une part, elle est dans un état d'extrême respect, admiration, dévotion pour Freud, et en même temps, c'est, il me semble, une des psychanalystes ou un des psychanalystes qui a pris pas le plus de distance, mais le plus de liberté en même temps. C'est tout à fait exact. Elle a une phrase d'ailleurs très amusante, elle dit « Rien ne me plaît davantage quant à moi que vous me teniez en laisse pour me guider, pourvu que la laisse ait une bonne longueur. » Exactement, et à plusieurs reprises, elle dit également, plaisamment, qu'elle est hérétique. Oui, elle dit qu'elle est hérétique. Elle dit sur l'art, sur différents points de la théorie freudienne qu'elle reprend. Elle dit « Je vous suis toute dévouée et je suis hérétique ». Oui, et ce qui est étrange alors, c'est l'attitude de Freud, parce que d'ordinaire, Freud, quand on est avec les hérétiques, il ne plaisantait pas, hein, il avait la foudre. Ce n'est pas absolument exact. C'est pas tout à fait vrai. Si bon, vous ça, voulez c'est qu'on entre légende. Là-dedans... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nobécourt ? Mais je reviens sur cette notion d'hérésie. Il y a une phrase dans une des lettres où elle lit « La gratitude et la liberté ». Elle dit « Ma gratitude pour vous, c'est la liberté que vous m'avez laissée de ne pas rencontrer vos vues ». Et alors, je crois que là, le lien de la gratitude et de la liberté, c'est tout le fond du livre, et c'est une position exceptionnelle parmi tous les disciples, tous les gens qui ont approché Freud, où c'était la rébellion violente, qui finissait par être violente, comme pour Jung, Steckel, Adler et d'autres, où c'était une certaine platitude dans la fidélité, l'admiration, et là on pourrait citer d'autres noms. Oui. Mis à part peut-être, alors, d'après ce que dit Marie Moscovici, Ferenczi. Oui, je tiens beaucoup à cette comparaison avec Ferenczi, parce que Ferenczi s'est présenté, ce serait intéressant de consacrer quelque chose à Ferenczi, il y a une comparaison entre Ferenczi et Andreas Salomé, d'une part parce que certains contenus théoriques sont très semblables, et d'autre part à cause précisément de cette position particulière. Ferenczi a toujours été dans une tension très très grande avec Freud, dans sa relation avec Freud, une tension passionnelle. Mais il a, et c'est pourquoi je vous disais, on ne peut pas dire que Freud ait rompu avec ceux qu'on pouvait, entre guillemets, appeler hérétiques. Ferenczi, on ne l'appelait pas hérétique, on l'appelait l'enfant terrible de la psychanalyse. Oui. Ferenczi s'écartait constamment de l'orthodoxie, il faudrait que je mette les guillemets aussi, comment les faire entendre, de l'orthodoxie freudienne, et en même temps était enraciné dans la théorie freudienne et dans son rapport avec Freud tout à fait complètement. Freud avait avec lui des sortes de querelles. Vous savez, la correspondance de Ferenczi et de Freud n'est pas publiée, elle va l'être, j'ai appris. Enfin, on y verra certainement beaucoup plus de choses. En tout cas, il y avait entre eux des querelles, il y avait de la part de Freud des admonestations même. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Mais ni l'un ni l'autre n'a jamais rompu. Alors que très probablement, Ferenczi est celui qui a inventé, par rapport au freudisme, les choses les plus originales et les plus, je ne dirais pas non freudiennes, mais les plus écartées de certaines positions doctrinales. Bien, Lou en a fait autant. N'allons pas abandonner Lou. Lou en a fait autant. C'est pourquoi je les compare. Alors peut-être pour Pour attaquer ce texte, on ne peut pas en faire une analyse, comment dirais-je, très rationnelle. On va un peu au hasard dans cette émission. Peut-être une manière, c'est de pointer les moments où justement elle s'oppose à Freud. Hein. Il me semble qu'il y a la question du narcissisme, la question du ça. Alors là, carrément, elle est en opposition. Et puis des nuances en ce qui concerne ce qu'elle appelle l'homo-érotisme, qui est l'homosexualité. Oui. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas psychanalyste. Il me semble que, d'une manière générale, elle est plus... Je sais pas, elle cherche plus que Freud à découvrir un versant ensoleillé, même à ce qui paraît mauvais. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est particulièrement vrai de deux points que, dans votre petite liste de points d'opposition, oui, vous n'avez pas évoqués, qui me paraissent capitaux. L'un est le problème de la religion. Ah oui. Du mysticisme même, et l'autre, qui d'ailleurs est lié à celui-là aussi, est la question de la pulsion de mort. Mm-hmm. Alors je ne sais pas si vous souhaitez que je vous dise quelques mots sur sa façon de s'opposer à... Et le narcissisme, en effet, de façon capitale, vous avez eu raison de l'évoquer. Pour ce qui est de la religion, ça me paraît tout à fait important, parce que je crois, bien que certains puissent défendre d'autres positions, je crois qu'on peut dire que la théorie freudienne est foncièrement athée. C'est-à-dire que non seulement elle est athée, mais elle est athée d'une façon militante. C'est-à-dire que Freud analyse ce qu'il en est des sentiments religieux ou des états religieux, le ramène à certains points fondamentaux de la psychanalyse, et l'analyse comme illusion. Bon, vous connaissez ce titre, L'avenir d'une illusion, où il s'agit de désillusionner la religion. Lou Andreas Salomé, qui avait certainement une propension personnelle au mysticisme, enfin à des états proches du mysticisme, je le crois, Nobécourt peut-être pourra confirmer ou infirmer ce que je dis. Quant à elle, ce n'est pas qu'elle défende la religion en tant que telle, mais elle est très psychanalyste en ça. Elle aborde la religion comme pas seulement une pathologie, mais entre le normal et le pathologique, comme une solution de vie. Ce que j'essaye aussi de dire, mais une solution de vie, mais pas au sens collectif, une solution de vie pour les individus. Une réunification de ce qui est, comment dirais-je, dilacéré, enfin. Exactement, et ça c'est lié à sa théorie du narcissisme, parce que sa théorie à elle du narcissisme, c'est que l'individu, le petit homme, a effectivement été relié initialement au monde entier, disons, par l'intermédiaire de la mère. Là aussi, elle est... je dirais pas non freudienne, mais différente de Freud, elle insiste sur le maternel énormément, là où Freud y insiste, à vrai dire, fort peu. Et elle, pour elle, l'histoire se dirait, pour le dire trop vite comme ça, nous avons été liés à ce grand tout, nous en avons été séparés, et la tentative religieuse est une tentative pour une réunification. Ce qui, je dois le dire, est non freudien, mais en même temps, dans l'analyse des mécanismes et des processus, tout à fait freudien, au sens où elle regarde comment un individu particulier, dans son trajet psychique particulier, se trouve par exemple être religieux, dans ce fantasme. Oui, Jacques. Où elle reprend, sans le dire, mais enfin c'est assez net, tout son itinéraire personnel, parce que cette lettre à Freud est aussi un bilan de ce qu'elle a été et de l'itinéraire qui l'a conduite. Elle le dit quelque part, toute ma vie m'a conduite vers la psychanalyse, où elle est arrivée à 50 ans. Oui. Parce que tout ce que vous dites de la, très justement, de son attitude vis-à-vis de la religion, on entend derrière l'adolescente évangélisée et confirmée par le pasteur Gillot à la cour de Saint-Pétersbourg, avec lequel elle s'enfuit ensuite. On entend, dans sa question sur la religion, les questions qu'elle pose à la philosophie ou à la poésie, c'est-à-dire à Nietzsche et à Rilke. Elle fait même allusion à Nietzsche. Elle y fait allusion très clairement et très noblement d'ailleurs. Et tout son débat, tout son développement sur le narcissisme est très largement, reprend très largement tous ses textes antérieurs et est nourri de sa vie, de son contact et de sa présence auprès de Rilke, et de son écoute auprès de Rilke. Oui. C'est sûr. Ce qu'elle appelle le narcissisme, si je comprends bien, c'est la passerelle par laquelle retrouver au fond cet état originel, non ? C'est ça. Cette espèce d'état d'unification. Le narcissisme est la recherche du réservoir premier, du lien premier, disons, avec le maternel, mais avec une sorte de grand tout, qui est quelque chose à quoi Freud, de son côté, n'adhérait pas, par exemple. Et le narcissisme, c'est comme des antennes, pour elle, des antennes lancées, des ponts, lancés vers ça, pour des retrouvailles. Donc elle n'appelle pas narcissisme seulement ce que... Elle garde la version amour de soi. Oui. Est-ce qu'on ne rejoint pas ici cette question, cette interrogation vers ce qu'on nomme l'archaïque et qui actuellement fait l'objet de tellement de questions et de recherches en psychanalyse? On peut même dire, dans le sens de ce que Lapouche disait, de sa façon de positiver du négatif, vous voulez, que par exemple, quant à l'archaïque, Freud a donc montré que l'archaïque était toujours présent dans le psychisme, dans l'inconscient des individus. Et ce qu'elle montre encore plus vivement est à quel point l'archaïque est présent, permanent et facteur de création. Oui, moi c'est ce qui m'a fasciné le plus dans ce livre, c'est l'habileté extraordinaire, l'agilité mentale, mais mentale ça ne suffit pas, enfin l'agilité sensible qu'elle a pour, faire communiquer l'envers et l'endroit toujours, pour métamorphoser cela en son contraire et vice-versa aussi. C'est très vrai pour la question de la pulsion de mort et pour la maladie en général, la maladie psychique. Oui, elle a des passages. Pour l'homosexualité. C'est tout à fait vrai. Elle reproche par exemple à Freud de n'avoir pas assez insisté sur le côté positif de l'homosexualité. Oui. Parce qu'il avait de créateur, et je dirais de nouveaux solutions de vie. C'est-à-dire, elle la voit positive. Pour ce qui est de la pulsion de mort... Elle voit dans cette force de destruction son côté pulsion, c'est-à-dire poussée, qui pour elle est toujours une poussée vitale. Même quand c'est la pulsion de destruction, c'est la vie qui l'anime. Et pour ce qui est de la maladie, même chose. La maladie est créative et la maladie est vie pour elle, toujours. C'est ça. Freud ne dit pas qu'elle est morte, la maladie. Mais il est certainement plus négatif dans le ton par rapport à... Bien que ce soit lui qui ait fait que... On sache maintenant que le pathologique et le normal se touchent et ne sont séparés que d'un cheveu. Elle pousse ça encore plus loin. C'est-à-dire que vraiment, la maladie et la création, pour elle, sont toujours liées. En quoi, d'ailleurs, elle prolonge quelque chose qu'il a indiqué, mais c'est elle qui le prolonge. C'est vraiment son travail. C'est elle. Il faut dire qu'elle écrit très bien. Il y a parfois des moments presque de poésie qui sont... Dire que la traduction est excellente. Oui, la traduction était parfaite. Parce que le texte allemand de Louis-Andréa Salomé est un texte extrêmement difficile. Ah oui. C'est vraiment une langue écrite par quelqu'un dont la langue maternelle était le russe. Oui, c'est très très vrai. Elle a un vocabulaire épouvantable dont les équivalents sont très difficiles à trouver. La traduction de Dominique Mirmont est épatante. Ouais. Jacques Nobécourt, on sait quelle a été la réaction de Freud, l'accueil de Freud à ce texte, on ne sait rien. Il en a remercié, il en était assez content, il en a félicité disant que elle seule avait la capacité de remettre sur pied je sais plus si c'est à ce propos-là qu'il dit qu'elle synthétisait lui analysait. C'est vrai, ça c'est un aspect très important, mais enfin on a déjà fait allusion, l'analyse et la synthèse. L'opposition analyse-synthèse est peut-être un peu trop forte. Ce qui est beaucoup plus vrai, c'est ce que dit Mary Moscovici, c'est beaucoup plus pertinent en tout cas, c'est-à-dire cette espèce de bande de Möbius, la capacité de toujours montrer le positif et le négatif, enfin la force de vie, la pulsion de vie derrière la pulsion de mort, qui n'est pas exactement une synthèse. C'est exact, ce n'est pas... au début, il y a eu querelle entre Freud et Louis-Andréa Salomé sur l'analytique et le synthétique. Enfin, c'est peut-être pas une synthèse, mais tout de même, elle a toujours le souci de reprendre dans une sorte d'unité ce qui est cassé, ce qui est morcelé. Je suis d'accord. C'est l'histoire du tissu à l'envers, à l'endroit, c'est une image qui est très nette. Et je suis d'accord plutôt avec la formulation que Nobécourt vient de donner de la bande de Möbius, parce que ce n'est plus tellement à ce moment-là de sa vie. Elle-même est déjà âgée et déjà en rapport avec la psychanalyse depuis 20 ans. À ce moment-là. Depuis 1911. C'est ça, donc depuis 30 ans. C'est 31, là. Au début, elle voulait refaire une unité. Mais dans ce texte-là, c'est comme le dit Nobécourt, c'est l'envers et l'endroit comme deux faces tournantes de la réalité, si vous voulez. Oui. Et ça, c'est beaucoup plus malin et beaucoup plus subtil que simplement de synthétiser les morceaux dispersés. Bien sûr. Alors, il y a aussi une échappée, enfin, sur le problème de l'art, sur la fonction de l'art. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire. J'y suis passée trop rapidement dans la préface que j'ai. J'ai un peu regretté. J'aurais fait plus volontiers. Bon, je n'avais pas la possibilité ni le temps de m'attarder davantage. Elle a une idée tout à fait intéressante qui est, par exemple, on entend dire couramment que l'œuvre d'art est la réalisation d'un désir. Que directement l'amour ou le désir passe dans l'objet créé, des choses comme ça. Et on le dit en s'inspirant de la psychanalyse ou du peu que Freud a dit sur l'art. Or, elle, du peu, mais qui est intéressant, elle a un point de vue que je trouve absolument formidable. Elle montre comment ce qu'il en est du désir qui anime le créateur doit se transformer en lui et même s'oublier. Pour que le matériau intérieur, psychique, celui du désir, change, et même d'une certaine façon, s'abolisse, et que sa forme, comme un nouveau... Elle parle, je crois, d'un terreau, d'un nouveau terreau, pour la production d'un objet différent, qui alors n'a plus du tout à voir directement avec le désir, même si initialement c'est le désir qui l'a suscité. Donc elle ne dit pas que l'objet d'art est comme ça, tout cru, le résultat du désir. Et je crois que c'est un point de vue tout à fait intéressant, que cette transformation interne, cette transmutation du désir. Il y a une application, ça se réfère à une expérience extrêmement précise, qui est celle de la naissance des élégies de Duino. Oui. Parce qu'en janvier 1911, Rilke, pour la troisième ou quatrième fois, lui demande son autorisation, son accord pour aller entreprendre une analyse à Munich. Oui. Il est à ce moment-là dans le château de Duino, sur les bords de l'Adriatique. Elle lui envoie un télégramme pour le lui interdire. Et dans les trois jours même, surgissent les 200 ou 250 vers de base des élégies de Duino. C'est l'illustration parfaite. Qu'il mettra ensuite 10 ans à écrire et à accomplir. Et Lou Andrea Salomé, il fait une allusion d'ailleurs à la naissance des élégies. Il faut tempérer un petit peu ce que vous dites. J'ai toujours été très frappée et par moments choquée de ce qu'elle lui est comme ça interdit l'analyse. C'est un détail. Non, je veux dire, là, c'était pas de ça que je voulais débattre. Ce que je veux dire, c'est que à la fin, quand elle fait allusion aux élégies de Duino, à l'ange et à la souffrance de Rilke, à la fin, après que les élégies de Duino étaient écrites, dans ce texte, elle dit quand même qu'il en a été brisé. C'est-à-dire qu'elle a comme pas un regret, mais certainement une nostalgie et la conscience que peut-être quand même l'œuvre a été, mais l'homme a été brisé. Oui, dans l'autobiographie, d'ailleurs, elle le dit nettement, une note sur Rilke juste après sa mort, elle regrette de lui avoir interdit l'analyse. Voilà, donc là, il y a une chose aussi très subtile à analyser encore. Bien, nous ne pourrons pas aller beaucoup plus avant dans la lecture de ce livre. Je pose simplement une dernière question alors à Jacques Nobécourt. Est-ce qu'on connaît d'autres textes de Louis-André Salomé qui ne sont pas traduits en français? Il y en a un qu'il faudrait rappeler, parce qu'il a été le premier traduit de son vivant, c'est son livre sur Nietzsche, traduit par Benoît Méchain chez Grasset, et qui est un livre toujours actuel, et que les Nietzschéens apprécient. Il reste un certain nombre de textes, d'articles, publiés en allemand et en italien, sous le titre Érotisme, érotique, et plus des textes littéraires, notamment tout un essai sur les personnages de femmes chez Ibsen, qui remonte à sa jeunesse, et qui serait très intéressant de publier, plus un certain nombre de romans et de nouvelles, qui sont tous un peu des textes d'application de ces réflexions. Bien, je vous remercie. Je rappelle le titre de ce livre, « Lettre ouverte à Freud », l'auteur Louis-Andrea Salomé. L'éditeur, tout à l'heure, je ne l'ai pas cité, je m'en excuse, alors je vais le citer deux fois. L'éditeur, c'est « Lieu commun ». Nous avions aujourd'hui à Agora, pour en parler, Jacques Nobécourt, Marie Moscovici, et je répète le nom de l'éditeur, c'est Lieu commun.